moi, Seigneur, mon Dieu. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux pas simplement être un croyant pratiquant qui marche sans direction, plutôt obéissant, soumis à ton attention, guidé par le Dieu vivant. Révèle-toi à moi, révèle-toi, révèle-toi à moi. Je prie que chaque jour, tu puisses démontrer ton amour à tout ce qui m'entoure. Et puis je prie que ton